Nous allons maintenant commencer le développement de notre dissertation. Donc, première partie, l'art apparaît d'abord comme une création d'illusions. Première idée, pour défendre cela, eh bien, la démarche artistique semble en ce sens indifférente à la recherche de la vérité. Cette dernière désigne la conformité entre la pensée et le discours d'une part, et d'autre part, les faits sur lesquels porte cette pensée, ce discours. La vérité consiste à rendre compte du réel, c'est-à-dire les choses qui existent hors de notre esprit, donc rendre compte du réel tel qu'il est, et non pas tel qu'on l'imagine, tel qu'on souhaiterait qu'il soit, le réel tel qu'il est. L'artiste, lui, ne semble pas contraint de se plier aux exigences de cette recherche de vérité, de cette recherche de conformité au réel. En ce sens, il se distingue d'abord du juge ou du policier, voilà, qui cherche à établir les faits dans une affaire, afin de déterminer qui a vraiment commis un acte répréhensible. Mais l'artiste se distingue aussi du scientifique. Le scientifique qui veut comprendre le fonctionnement des phénomènes naturels ou sociaux, hein, identifier les régularités, identifier les mécanismes à l'œuvre dans l'apparition de certains phénomènes, pour effectuer des prédictions, et donc pour cela, le scientifique s'appuie sur une enquête méthodique en vue d'établir des connaissances objectives. Donc voilà, l'artiste lui se distingue de ses démarches. Quant à lui, il peut donner libre cours à son imagination. Imaginer, ça consiste à se représenter les choses qui n'existent pas, se représenter des faits qui n'ont pas eu lieu, des formes différentes de celles que nous percevons dans le monde réel. Et en ce sens, la création artistique vise en quelque sorte à prendre distance vis-à-vis du réel. Cette prise de distance, eh bien, elle va donner lieu à la production de représentations illusoires. Prenons un exemple, hein, les histoires que le romancier raconte, ou encore autre exemple, les scènes que va peindre le peintre, n'ont pas à représenter le réel tel qu'il est. Elles ont un caractère fictif. Hein, voilà. La fiction, c'est l'image ou le récit qui est en écart par rapport à ce qui est, par rapport au réel. C'est une autre possibilité, mais qui n'est pas effective dans notre monde. Et bon, de cela, c'est en ce sens que Platon, lui, en tire la conséquence qu'il faut se méfier des artistes. Pour Platon, le fait que les artistes produisent des fictions, eh bien, il faut s'en méfier. Parce que ces fictions, elles éloignent les spectateurs de la recherche de la vérité. Pour Platon, les images que les artistes fabriquent, ce sont des tromperies qui représentent les choses autrement qu'elles ne sont. Voilà, c'est ça une image. Une image, c'est une mauvaise représentation des choses. Et pour Platon, la fiction n'est qu'une copie dégradée de la réalité. Les artistes séduisent les spectateurs par les effets qui attirent le regard. Hein, ils cherchent à les séduire de cette façon. On peut penser aux effets spéciaux qui vont être utilisés dans un film. On sait bien que ces effets spéciaux, ce n'est pas la réalité, ce sont justement des effets purement synthétiques. On peut penser aussi aux tours que le prestidigitateur va mettre en œuvre pour tromper ses spectateurs. Et après Platon, en tournant du regard du côté des spectateurs, eh bien, le spectateur, au lieu de rechercher la vérité, l'amateur de spectacle, il va se complaire dans un monde de fiction, un petit peu à la manière du personnage de Flaubert, hein, Emma Bovary, hein, qui est l'anti-héroïne de Gustave Flaubert, qui, elle, rêve d'une vie de roman. Mais en fait, Emma Bovary, ennuyée par son mari et son quotidien, elle finit par s'enfermer dans une vie de fantasme. Et bien, cette vie de fantasme, ça la conduit à ruiner sa vie réelle. C'est ça un petit peu les conséquences de ce fantasme dans lequel s'enferme ce personnage. Eh bien, c'est de détruire sa propre vie à son propre à son détriment et aussi à celui de son mari. Donc face au danger de la fiction, lui, Platon va jusqu'à affirmer qu'il faut exclure les artistes et les poètes de la cité idéale parce que ce sont de dangereux affabulateurs. Pour Platon, il ne faut pas promouvoir de pratiques qui nous éloignent de la vérité, et le seul art qu'il tolère, à la limite, voilà, c'est la musique, dans la mesure où elle permet de transmettre le sens du rythme, lequel joue un rôle dans l'inculcation de la discipline nécessaire à la formation des soldats. Bon, on voit clairement Platon, c'était pas un type très marrant, hein, mais c'est bien la conséquence qu'il tire. Pas d'artiste dans la cité idéale. Alors, ce qu'on pourrait répondre à cela, c'est que cette création d'illusion, à laquelle donne lieu l'art, ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, même au contraire. On pourrait même dire que les fictions, ça a quelque chose de stimulant, ça a quelque chose de plaisant, hein, elles nous offrent une possibilité d'évasion par rapport à la monotonie du quotidien. Et donc, c'est en ce sens que Friedrich Nietzsche, hein, qui est un grand critique de Platon, bah, affirme contre Platon justement que l'art est indispensable à la vie. Hein, l'art, c'est même ce qui va justifier notre existence. Hein, il permet de donner un sens à la vie humaine au travers de ses créations. Alors, Nietzsche distingue deux types d'art, deux types de démarches artistiques, en s'appuyant sur deux figures de la mythologie grecque. Donc, il oppose d'une part l'art dionysiaque. Donc Dionysos, c'était le dieu du vin, le dieu de la danse. Et l'art dionysiaque, ça renvoie aux arts vivants, comme ben, la danse, justement, le théâtre, qui va permettre aux individus d'entrer dans une communion et d'exprimer leur passion, voilà, de façon libre autant que possible. Donc, cette première forme de l'art. Et deuxième forme d'art, c'est ce qu'il appelle l'art apollinien, donc du dieu Apollon, qui est le dieu de la musique, notamment le dieu des arts plastiques. Hein, voilà, c'est l'art apollinien va renvoyer aux arts plastiques, notamment la peinture et la sculpture. Et donc ces arts-là, ils permettent aux artistes de fabriquer un monde imaginaire qui va être offert à la contemplation des spectateurs. Et la fiction créée par l'artiste, elle peut procurer, selon Nietzsche, une espèce d'espace de repos, de réconfort par rapport aux souffrances du réel. C'est en ce sens que l'on peut voir l'art comme un divertissement, c'est-à-dire une manière d'échapper momentanément à la fureur du monde. Voilà, je me retire du monde en me plongeant dans la contemplation de ces belles illusions, de ces belles images. Alors certes, un autre auteur comme Hegel lui rappelle que les grands artistes sont ceux qui ont beaucoup observé la nature, la société, qui ont accumulé beaucoup de connaissances sur le monde, un peu à la manière de Goethe, hein, l'écrivain et poète allemand du début du 19e siècle, contemporain de Hegel. Donc lui avait parcouru, si ce n'est le monde, au moins une grande partie de l'Europe, avait pu beaucoup lire, beaucoup voir d'œuvres, et ensuite il a pu retranscrire ses créations dans son œuvre. Mais cependant, on peut dire le moment de la création, c'est ce que mentionne notamment Hannah Arendt, le moment de la création d'une œuvre d'art, ben, ça implique toujours une forme de retrait du monde, d'isolement. Voilà, l'artiste se replie dans son atelier, dans sa tranquillité, pour élaborer son œuvre. Et puis ensuite, du côté des spectateurs, c'est plutôt sur ça qu'on peut voir aussi cet aspect-là, voilà, du côté des spectateurs, la contemplation d'une œuvre d'art, elle va s'effectuer souvent dans un temps et un espace à part, distinct des rythmes et de l'environnement quotidien. Voilà, la visite d'un musée, ou bien le moment où l'on assiste à une pièce de théâtre ou à une séance de cinéma, ben ça constitue des moments de distanciation vis-à-vis des soucis de l'existence ordinaire. Et donc c'est un moment spécifique qui va être consacré au plaisir de l'expérience esthétique, et puis de la participation à une communauté de goût, qui se traduit par des instants de sociabilité et puis les instants de discussion qui vont faire suite à la contemplation. Voilà, où on va voir un film avec un groupe d'amis et puis donc il y a ce moment de la contemplation et puis ce moment de la discussion. Et tout cet espace dédié à l'expérience esthétique nous sort du monde, nous isole du monde quotidien, du monde de la vie, du travail. Et c'est un moment qui est nécessaire en quelque sorte pour reprendre Nietzsche, nécessaire à notre existence. Notre existence ne peut pas être consacrée uniquement à une vie de travail. Ces moments esthétiques sont indispensables à une vie proprement humaine.